Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'abbé Casgrain et le développement de notre littérature nationale. L'abbé Casgrain avait énoncé la grande maxime aux littéraires qui devaient le suivre, c'est qu'il fallait décrire la société rurale ou les paysans, non pas tels qu'ils étaient, mais tels qu'on aurait voulu qu'ils soient. Mmh. Ça, c'était le grand mot d'ordre de l'abbé Casgrain. Moralisateur. Moralisateur. L'historien et sociologue Gérard Bouchard, au micro de Marie-Hélène Poirier à l'émission Tournée d'Amérique en 1999, infatigable promoteur de la littérature québécoise au 19e siècle, l'abbé Casgrain a une idée très précise de ce que doit justement être notre littérature. Passionné d'histoire et de littérature, Henri-Raymond Casgrain en mène large dans les cercles littéraires de l'époque. On dit d'ailleurs de lui qu'il a été notre premier critique littéraire. « 1861, une année importante dans les annales littéraires du Canada français. Depuis quelques mois déjà, se réunissent à Québec, à la librairie d'Octave Crémazy, plusieurs beaux esprits, fins lettrés, poètes ou prosateurs, autour du jeune abbé Casgrain qui se croit et se dit, peut-être l'est-il également en fait, leur chef et leur animateur. Antoine Gérin-Lajoie, Hubert Larue, P.J. O. Chauveau, Antoine Ferland et Joseph-Charles Taché constituent un petit noyau féru de littérature et passionné de nationalisme. Et l'on décide de fonder une revue. Ce sont les Soirées canadiennes. Elles paraîtront chaque mois en livraison d'une trentaine de pages et chacun des écrivains ci haut mentionnés et d'autres qui voudront bien se joindre à eux pourront y insérer leur prose ou leur vers. La revue voulait être un recueil de littérature nationale. On s'attacherait à sauver de l'oubli certaines légendes et certains épisodes de l'histoire du pays. On voulait être écrivain, mais on tenait surtout à se montrer patriote. Extrait de l'émission « Les écrivains canadiens » présenté à notre antenne en 1966 pour nous parler de l'importance que va avoir l'abbé Casgrain dans le développement de notre littérature nationale. Je reçois Claude Lacharité, qui est auteur, professeur de lettres et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire à l'Université du Québec à Rimouski. Claude Lacharité, bonjour. Bonjour, Jacques. On a souvent parlé, Claude Lacharité, d'Henri-Raymond Casgrain, l'abbé Casgrain, comme du père de notre littérature nationale au Québec. Dans quelle mesure ce titre-là est mérité, ou à tout le moins, quelle importance il a eu réellement dans l'histoire de notre littérature? Bien, l'abbé Casgrain joue de fait un rôle central dans l'émergence d'une littérature nationale au Québec au 19e siècle, à la fois comme écrivain, comme théoricien et aussi comme promoteur de cette nouvelle littérature. Il a participé à la fondation des premières grandes revues littéraires ici, notamment la revue Les Soirées canadiennes dont il était question dans l'extrait, mais aussi la revue concurrente Le Foyer canadien. Il est le premier écrivain à publier un recueil de légendes, les légendes canadiennes qu'il fait paraître en 1861. C'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup attaché à assurer une diffusion, notamment par la publication de biographies d'écrivains et aussi en multipliant les éditions d'œuvres littéraires pour leur permettre d'avoir, un lectorat aussi large que possible et notamment un lectorat d'âge scolaire. On aura l'occasion d'y revenir. Et tout ça fait de lui, effectivement, le premier critique de notre littérature. Alors, je le disais il y a un instant, l'abbé Casgrain, c'est vraiment un infatigable promoteur de la littérature québécoise au 19e siècle. Il a aussi, je le disais, une idée très précise de ce que doit être cette littérature. On écoute à ce sujet le spécialiste du roman et de la littérature québécoise Jacques Allard à l'émission Le roman québécois en 1999. Pour faire court, voici comment l'abbé Casgrain, pour entrer enfin dans cette doctrine littéraire cléricale, pensait que le Canada français allait devenir une France américaine, se donnant une patrie intellectuelle à défaut peut-être de l'autre. Oui. Il voulait qu'on raconte l'histoire avec un H majuscule et les mœurs pures d'un nouveau peuple dont il fallait défendre encore une fois la langue et la foi. Mais comment? Eh bien voici. Oui. Citation fameuse, incontournable. « Si, comme cela est incontestable, la littérature est le reflet des mœurs, du caractère, des aptitudes, du génie d'une nation, si elle garde aussi l'empreinte des lieux, des divers aspects, de la nature, des sites, des perspectives, des horizons, Et la nôtre sera grave, méditative, spiritualiste, religieuse, évangélisatrice comme nos missionnaires, généreuse comme nos martyrs, énergique et persévérante comme nos pionniers d'autrefois. Et en même temps, elle sera largement découpée comme nos vastes fleuves, nos larges horizons, notre grandiose nature, mystérieuse comme les échos de nos immenses et impénétrables forêts, comme les éclairs de nos forêts boréales, mélancolique comme nos pâles soirs d'automne, enveloppés d'ombres vaporeuses, comme l'azur profond, un peu sévère de notre ciel, chaste et pure comme le manteau virginal de nos longs hivers. Alors, poursuivons sur ce qu'on vient d'entendre, Claude Lacharité, sur la vision qu'a l'abbé Casgrain de ce que doit être la littérature québécoise. Comment décrire cette vision-là? Mais en fait, c'est quelqu'un qui considère, comme la plupart de ses contemporains, que la littérature doit avoir la mission d'exprimer une identité nationale. Et dans le cas des Canadiens français, l'unanimité, ou presque, c'est que finalement, cette identité nationale tient à deux choses. D'une part, la langue française, et de l'autre, la foi catholique ou la religion catholique. Alors effectivement, donc, l'extrait en question, c'est souvent un morceau d'anthologie qu'on cite et qu'on recite à propos de l'abbé Casgrain et qui nous conforte dans une certaine vision anticléricale. On aime bien penser que l'abbé Casgrain, parce qu'il était un ecclésiastique, était une sorte de censeur clérical. En réalité, je pense que c'est quelqu'un qui était d'abord et avant tout animé par l'amour de la littérature, beaucoup plus que par la volonté de censurer au nom de valeurs religieuses un peu conservatrices. En réalité, sur le plan littéraire même, il est assez avant-gardiste et assez ouvert. Hein. En fait, il est l'un des premiers écrivains à être très fortement imprégné par le romantisme, à une époque où le romantisme, dans le contexte du Canada français du 19e siècle, est perçu comme une esthétique dangereuse, pernicieuse, séditieuse. Joseph-Charles Taché, son contemporain par exemple, déteste cordialement le romantisme, alors que l'abbé Casgrain, lui, l'embrasse résolument. Donc sur un plan littéraire, à mon avis, ça n'est pas du tout le personnage conservateur que une certaine doxa nous a habitué à voir en lui. Un petit mot sur ses origines, ça vaut toujours le détour de passer par là. Il naît à Rivière-Ouelle dans le Bas-Saint-Laurent en 1831, l'abbé Casgrain. Parlez-nous un petit peu de ses années de jeunesse, de quel genre de parcours il va avoir. Alors, il va fréquenter le collège Sainte-Anne de la Pocatière, qui est à l'époque un haut lieu de la formation littéraire, hein, où justement il y a un personnage qui s'appelle Boucher qui va initier un certain nombre d'élèves au romantisme, à la littérature européenne, dans ce qu'elle a de plus avant-gardiste dans le contexte du 19e siècle. Et ça, je crois que ça va avoir un effet déterminant sur la suite de la carrière de l'abbé, qui va effectivement donc être, je dirais, ordonné prêtre en 1856. Il va être vicaire de Québec après avoir été vicaire de Beauport. Mais assez rapidement, dès 1872, en fait, il va quitter le ministère pour embrasser complètement la vie intellectuelle, ce qui l'intéressait le plus. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé, tant et si bien qu'il avait du mal à s'acquitter de ses responsabilités de vicaire. Il n'avait pas, je dirais, un très, très grand goût de toutes les responsabilités pastorales d'un ecclésiastique. Et en fait, il va être nommé en 1887 professeur de littérature à l'Université Laval, puis professeur d'histoire. Il va être un des membres fondateurs de la Société royale du Canada. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup voyager. C'est certainement le Canadien français qui est allé le plus souvent en Europe, en tout et partout, dans l'ensemble de sa vie. Il aura fait la traversée 16 fois, ce qui est absolument exceptionnel quand on sait qu'il faut prendre le bateau, bien entendu, au 19e siècle, et que ça coûte très, très cher. Oui. Parlons de ses écrits. Il va beaucoup écrire aussi. Comment décrire cette œuvre-là, une œuvre abondante, une œuvre diversifiée également? Effectivement, c'est probablement l'écrivain du 19e siècle qui nous a laissé l'œuvre la plus abondante. À la fin de sa vie, dans les années 1880, on publie ses œuvres complètes, hein, et ses œuvres complètes contre 4 tomes. Le premier tome réunit les œuvres littéraires, donc les légendes canadiennes dont je parlais tout à l'heure, qu'il a publié en 1861, également des vers, de ce qu'il appelle les miettes. Ce sont des distractions poétiques qu'il a publiées pour la première fois en 1869. Le tome 2 réunit des biographies, hein, donc entre autres la biographie de l'historien national François-Xavier Garneau ou encore du grand écrivain Philippe-Aubert de Gaspé père, l'auteur des Anciens Canadiens de 1863. Les tombes 3 et 4 réunissent des œuvres historiques. Et alors, il s'intéresse à l'histoire, par exemple, de l'Acadie, entre autres. Il va publier Pèlerinage au pays d'Évangéline en 1887. Et c'est un ouvrage qui va être couronné par l'Académie française. Mon père n'avait fille que moi, qu'à nos décorces qui volent. Encore sur la mer, il m'envoie, qu'à nos décorces qui volera. Le marinier qui m'y menait, qu'à nos décorces qui volent. Il devint amoureux de moi, qu'à nos décorces qui volera. C'est l'abbé Casgrain qui écrit les paroles et la musique de cette chanson qu'on vient d'entendre. Le canot d'écorce s'est inspiré, cette chanson-là, d'une vieille légende du pays. Et vous le disiez, Claude Lacharité, il y a un instant, en 1861, l'abbé Casgrain publie lui-même son recueil de légendes du pays, qu'il appelle « Légendes canadiennes ». Est-ce que c'est son ouvrage le plus connu? En tout cas, c'est certainement l'un de ses plus connus. Alors, parmi ses contributions à la littérature telle qu'on la définit aujourd'hui, très probablement, effectivement, oui. C'est une œuvre très importante. Alors, il commence par publier une première légende en 1860 dans le journal Le Courrier du Canada. C'est le tableau de la rivière Ouelle. L'année suivante, en 1861, dans les Soirées canadiennes, il publie La Jongleuse. Et la même année, il décide de réunir les deux légendes auxquelles il ajoute d'autres textes pour publier effectivement ce recueil intitulé Légendes canadiennes. Et c'est très important parce que non seulement les textes sont très connus, sont très appréciés à l'époque, mais en plus, l'abbé Casgrain réfléchit au genre même de la légende dans une préface qui est très intéressante d'un point de vue, je dirais, littéraire. Il avance, entre autres, une définition qui me semble très intéressante de la légende comme poésie de l'histoire. Hein. Et effectivement, donc, il est l'un des premiers, hein, avec Joseph-Charles Taché, à publier des légendes. Joseph-Charles Taché va publier dans les Soirées canadiennes les trois légendes de mon pays la même année. Donc, les départager, ce serait un petit peu délicat et difficile, d'autant plus que quand l'abbé Casgrain publie le tableau de la rivière Ouelle dans le Courrier du Canada, c'est Taché qui est le directeur de ce journal à cette époque. Donc, on voit bien, hein, l'espèce de complicité qui unit les deux hommes et en même temps, les préoccupations communes qui les habitent tous les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est justement la métaphore qu'il propose pour rendre compte du genre de la légende. Ce qu'il nous explique, c'est que la légende, c'est un peu comme le reflet des sommets enneigés des Laurentides dans les grandes eaux du fleuve. Et tout ça pour nous dire finalement que la légende, ça n'est rien d'autre qu'un fait historique qui se trouve librement recomposé par l'imaginaire collectif. Et cette volonté de redonner vie à des épisodes de notre histoire, au fond, ces légendes qui racontent des fragments d'histoire, ça nous ramène à cet attachement qu'il a, vous en avez parlé. Il aime beaucoup la littérature, mais il aime beaucoup l'histoire aussi. Il a publié, nous disiez-vous, une biographie de François-Xavier Garneau. Donc, ces deux champs, littéraire et historique, sont pour lui, je pense, quasi indissociables. Quelle place ça va occuper, l'histoire, dans son œuvre? Tout à fait. C'est central, en réalité. Hein? Et je pense que, comme vous le disiez si bien, c'est un peu indissociable dans sa pensée. Mais je dirais, d'un point de vue quantitatif, l'histoire est probablement encore plus importante que la littérature aux yeux de l'abbé Casgrain. Je disais tout à l'heure, hein, dans les quatre tomes qui constituent ses œuvres complètes, deux sont consacrés à des ouvrages d'histoire, donc c'est assez révélateur. Mais je dirais, là où, je dirais, il s'éloigne de nous du point de vue de la conception de ces deux domaines du savoir, c'est que pour lui, il n'y a pas, je dirais, de distinction nette. Hein. Lorsqu'il publie son texte programmatique en 1866 sur le mouvement littéraire en Canada, il considère qu'avant les années 1860, il y a eu deux grands écrivains au Québec, François-Xavier Garneau, pourtant un historien, et Octave Crémazie, donc le poète que l'on connaît bien, mais un poète qui est surtout connu pour célébrer quoi? Les grands moments de l'histoire collective. Donc on voit à quel point finalement il n'y a pas de frontière nettement définie entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est que dans son œuvre d'historien, il s'intéresse à tout, autant à des questions très locales. Par exemple, il va écrire une histoire de sa paroisse natale de Rivière-Ouelle au 17e siècle, mais il va aussi s'intéresser à des questions dimension plus nationale qui dépasse le cadre de sa propre paroisse. Par exemple, il va nous proposer une histoire de Marie l'Incarnation, qui a joué évidemment un rôle décisif dans la période de la Nouvelle-France. Et puis, il va même parfois adopter une perspective transatlantique, hein, donc presque internationale, si on veut, avant la lettre, en s'intéressant, par exemple, aux Sulpiciens et aux prêtres des missions étrangères dans leur rôle en Acadie. Alors, tout ça, évidemment, ça fait de lui vraiment un historien très intéressant et très complet, qui est capable de multiplier, en quelque sorte, les points de vue et de changer de lentille focale, adopter un point de vue très local comme un point de vue plus national ou même international. Donc, historien, biographe aussi, encore là, on est juste un tout petit peu à côté de l'historien quand on parle du travail du biographe. Il va signer une série de biographies, beaucoup de ses biographies sur des auteurs québécois, ce qui nous ramène à l'importance qu'il va avoir dans la diffusion, dans la promotion de la littérature québécoise. Oui, effectivement, c'est un genre qui est très important pour l'abbé Casgrain et qui lui permet, là encore, de réconcilier littérature et histoire. Hein. Oui. Quand il nous propose la biographie d'un écrivain, qu'est-ce qu'il fait? Ben, finalement, il essaie d'expliquer l'œuvre par le parcours de vie de son auteur. C'est l'approche dominante à l'époque en histoire littéraire, mais c'est un genre qui est surtout pratiqué de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, la contribution de l'abbé Casgrain, c'est finalement d'importer ce genre de la biographie d'auteur de ce côté-ci de l'Atlantique, en s'inspirant évidemment de modèles français. Mais c'est surtout pour lui une manière, en quelque sorte, de faire découvrir la littérature en adoptant une approche qui est à la fois vivante et humaine, en ancrant finalement ses œuvres dans un parcours que tout le monde peut, en quelque sorte, apprécier. Hein? Mmh. Et il y a une tendance naturelle à vouloir se projeter dans la figure de l'écrivain biographé. La rédaction des biographies, donc, lui permet aussi de se mettre lui-même en valeur. Hein? Par exemple, dans la biographie qu'il publie au lendemain de la mort de Philippe-Aubert de Gaspé en 1871, hein, on a l'impression que l'abbé Casgrain fonctionnait un peu comme certains journalistes, c'est-à-dire qu'il avait dans ses cartons une sorte de notice nécrologique toute prête et qu'il a pu la dégainer au moment même où il apprend la disparition de l'écrivain. Ben, il s'attribue le beau rôle, hein, il prétend avoir été celui qui a découvert la vocation littéraire de Philippe-Aubert de Gaspé. Mais le plus important, je dirais, c'est que dans ses biographies, il accorde une place très importante au texte, hein, qu'il va citer abondamment et qu'il va généralement commenter d'une manière qui est assez éclairante, qui met en valeur certains éléments de style ou encore certains éléments de couleur locale, hein, ouais, pour montrer quelle est la contribution de ces écrivains, par exemple, à la survivance de traditions orales, notamment. Un petit mot sur son travail d'éditeur, parce que ça aussi, c'est intéressant. Ce sera un travail important. À qui s'est-il intéressé d'abord comme éditeur, Claude Lacharité, et quelle importance il a eu à ce titre-là, à titre d'éditeur? Effectivement, ça, c'est un aspect qui est un peu moins connu, hein, puisqu'évidemment, ce travail d'éditeur n'est pas repris dans la publication de ses œuvres complètes à la fin de sa vie, mais c'est quelqu'un qui a joué effectivement un rôle central dans la diffusion d'un certain nombre d'œuvres qui vont devenir, grâce à lui, des œuvres classiques, c'est-à-dire des œuvres qui sont enseignées en classe et qui peuvent être lues par des lecteurs d'âge scolaire. Alors, l'exemple peut-être le mieux connu, c'est celui de L'influence d'un livre, hein, le premier roman de Philippe-Aubert de Gaspé-Fils, publié en 1837. L'abbé Casgrain va le republier en 1864, en lui donnant un nouveau titre, Le chercheur de trésors. Oui. Et pendant très, très longtemps, en fait, pendant plus d'un siècle, hein, les lecteurs qui connaissaient ce premier roman de notre littérature le connaissaient dans la version de l'abbé Casgrain, ce qui montre bien son influence. Mais il a également, par exemple, publié en 1882 les œuvres complètes du poète Octave Crémazie, en réunissant à la fois ses poèmes, ses lettres, son journal du siège de Paris de 1870-1871. C'est aussi quelqu'un qui va, par exemple, préfacer la première édition en livre d'Angéline de Montbrun, hein, le roman de Laure Conant, ouais, qui paraît en 1884. Et l'abbé Casgrain emploie une formule assez intéressante pour décrire le personnage principal en disant qu'Angéline est un véritable ange. Et ça va vraiment, je dirais, orienter la lecture de ce roman pendant plusieurs décennies, hein, au-delà du 19e siècle. C'est aussi quelqu'un qui va, et c'est peut-être la contribution la plus importante de l'abbé Casgrain comme éditeur, créer une petite petite collection qui va être diffusée auprès des élèves des écoles et remis en guise de prix comme récompense pour les meilleurs élèves, en quelque sorte. Et ça, il va mener cette entreprise-là de concert avec ce qu'on appelait à l'époque le département de l'instruction publique, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation. Et là, je pense vraiment qu'il a joué un rôle décisif pour faire connaître cette jeune littérature auprès du plus grand nombre de lecteurs possible. Cette émission s'achève, mais on ne peut pas ne pas parler de son aspect critique. On a parfois dit de l'abbé Casgrain que c'était notre premier critique littéraire. On écoute un extrait de l'émission « Les écrivains canadiens » diffusée en 1966, où on lit un passage d'un texte justement que l'abbé Casgrain consacre à l'écrivain Joseph-Charles Taché. Ce texte est signé Placide Lépine, c'est un pseudonyme que s'était donné l'abbé Casgrain quand il enfilait les pantoufles du critique littéraire. Monsieur Taché a écrit je ne sais combien de brochures sur je ne sais combien de sujets. Partout étincelle, parmi bien des scories, des jets de lumière. Partout, on reconnaît l'esprit large, dédaignant les minuties de la forme, bondissant de sommet en sommet, pour saisir et grouper les grandes idées. Habile, caustique, mordant jusqu'au sang, rusé, prudent dans son audace, il avait été créé et mis au monde pour combattre. C'est un de ces hommes tout d'une pièce qui se détache en relief sur une époque. En le voyant, on pense à ces bronzes antiques coulées d'un seul bloc que le temps n'a pu entamer. Figure originale qu'on aime à regarder dans ce siècle de caractères uniformes. Alors, que dire de l'abbé Casgrain, le critique littéraire, Claude Lacharité? Oui, effectivement, c'est probablement le titre qui résume le mieux les différentes contributions de l'abbé Casgrain à l'édification de la littérature nationale au 19e siècle. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'en 1872, il va délaisser le ministère pastoral pour se consacrer entièrement à son activité intellectuelle. Et l'un des premiers textes qu'il fait paraître lors de cette année décisive, c'est un texte qui s'intitule précisément « Critique littéraire », qui a un peu valeur programmatique, en fait. Il explique ce que devrait être une bonne critique littéraire qui accompagnerait, hein, dans son développement, cette jeune littérature québécoise. En fait, le critique est effectivement un rôle très important dans une littérature. Hein. C'est, en quelque sorte, la personne qui fait l'intermédiaire entre l'écrivain et son lecteur, hein, entre l'auteur et son public. Et il explique que la fonction qu'il s'attribue comme critique littéraire, c'est de stimuler l'ardeur des écrivains, d'épurer le goût des écrivains, d'élargir les idées des écrivains et des lecteurs en éclairant donc leur jugement. Alors, en fait, cette petite plaquette, il va la consacrer à Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, le premier ministre du Québec après la Confédération canadienne. C'est l'auteur d'un roman qui s'appelle Charles Guérin. Mais malheureusement, l'entreprise n'aura pas de lendemain, sans doute parce que, justement, l'abbé Casgrain voulait une critique qui soit impartiale, qui soit capable à la fois de souligner les qualités, mais aussi les défauts. Et il faut bien voir que la République des lettres dans le Québec du 19e siècle est toute petite. Oui. Tout le monde se connaît. Et, en fait, il va continuer le travail sous le pseudonyme de Placide Lépine, ce que vous évoquiez tout à l'heure, en publiant une série de silhouettes littéraires dans les journaux en 1872. Et en fait, ce sont des textes extrêmement savoureux qui sont souvent très, très justes, aussi bien sur le plan littéraire que sur le plan du contexte de cette jeune littérature québécoise. Claude Lacharité, auteur, professeur de lettres et titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire littéraire de l'Université du Québec à Rimouski, c'était un bonheur de vous entendre. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.